Pardon, madame. C'est un papier que j'apporte à monsieur le marquis de la part de monsieur le baron. Mais morbleu, il s'agit bien... Oh, madame, c'est assez singulier, c'est une romance. Est-ce celle que vous cherchiez? Voyons. Il me semble que oui. Vous me l'aviez volée, apparemment. Justement, c'est celle de la malle. Monsieur le baron m'a dit de vous demander... Quoi, qu'est-ce que c'est? Si vous songiez à vos affaires... Mais oui, tu viens nous déranger. C'est que monsieur le baron, tout à l'heure, a reçu un exprès de Fontainebleau et ça l'inquiète beaucoup. Il est retourné encore chez monsieur Duplessis, il paraissait tout bouleversé. En vérité? Oui, et je vous ai apporté cette musique afin d'avoir une raison d'entrer et afin de pouvoir vous dire en même temps qu'il faut une réponse sur le champ. Tu as bien fait, mais... Il me semble... Il me semble... Mais je n'ai pas cela! Vous vous trompez! Il ne me semble pas qu'il parle beaucoup d'affaires. Monsieur le baron m'a dit de saisir au vol quelques mots de leur entretien. Cela ne prend pas le chemin de Gotha. Fanny, le mortel qui près de toi respire. J'ai oublié le reste, c'est singulier. Très singulier avec votre mémoire. Oui, ordinairement, je retiens tout ce que je veux. Allez, je vous ai dit, c'est bon, il va te Fanny, pleure mortelle qui près de toi respire.